que je t'avais et pour toujours donné mon âme et toute ma tendresse, croyant en retour avoir ton amour. Mais la vie est cruelle et traîtresse. En rentrant chez nous un soir, je trouvais la maison triste et déserte. Je guettais ton retour par la porte entr'ouverte jusqu'au matin sans te revoir. Malgré tes serments, tes promesses, malgré tes baisers, tes caresses, tu partis un jour sans un mot d'amour, sans regret pour toujours. Et chaque soir à ma fenêtre, j'attends dans l'espoir que peut-être dans les bras de l'autre un jour tu souffriras et que vers moi tu reviendras. Je n'ai de toi qu'un portrait, seul compagnon de mes longs jours de fièvre, portrait dont bientôt pâliront les traits. Sous les baisers brûlants de mes lèvres, je m'adresse à lui tout bas, m'imaginant que c'est toi qui m'écoutes, et mes peines d'amour, je les lui redis tout en croyant que tu les entendras. Malgré tes serments, tes promesses, malgré tes baisers, tes caresses, tu partis un jour sans un mot d'amour, sans regret pour toujours. Chaque soir à ma fenêtre, j'attends dans l'espoir que peut-être dans les bras de l'autre un jour tu souffriras et que vers moi tu reviendras.